de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. 106.3 FPP, c'est la jungle des luttes. On est donc ensemble jusqu'à 8h30 en direct, donc tous les 3e lundi du mois, et retransmis le 4e jeudi du mois de 8h à 9h30. Et donc vous pouvez également nous réécouter. On avait un blog qu'on a tenu à jour jusqu'à l'année dernière, et puis sinon on a un site sur lequel vous pouvez trouver nos émissions qu'on met sur le site de façon régulière maintenant. Donc les dernières émissions, vous les trouvez sur le site. Et sinon les plus anciennes, puisqu'on est déjà depuis 2007, hein, quand même, ça fait un bout de temps. Donc là, elles sont sur le blog de la Jungle des Luttes. Et donc vous pouvez aussi, donc, puisque c'est une émission proposée par le Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte, vous pouvez nous rencontrer le comité donc tous les 3e mercredi du mois. Troisième mercredi du mois. Avant c'était le premier, mais maintenant c'est bien le troisième. Donc c'est le même que voilà. Troisième lundi c'est la radio, troisième mercredi c'est notre assemblée, une assemblée ouverte. Vous pouvez donc nous retrouver à 20h au CICP, Centre International des Cultures Populaires, donc dans le 11e. Et voilà, on peut en discuter des zapatistes puisque c'est un peu l'origine de la création de ce comité, c'est le soulèvement zapatiste en 94. Et mais on parle surtout des luttes en bas à gauche, et donc pas seulement donc au Mexique, mais aussi partout ailleurs. Et donc pour ceux qui connaissent les zapatistes, c'est aussi la volonté des zapatistes de pouvoir justement créer ce réseau de solidarité, de résistance, et de créer un front anticapitaliste. Et puis au-delà, enfin en tous les cas en bas à gauche, ça permet de bien résumer un petit peu l'objectif de notre comité, c'est d'essayer de s'ouvrir et de créer des ponts entre les luttes. Et sur notre programme de radio, c'est un peu aussi la même chose. Du coup, c'est le reflet de ce qu'on fait au comité. Et donc aujourd'hui, on va être plutôt centré sur le Mexique parce que finalement, c'est pas souvent qu'on parle essentiellement des zapatistes ou des événements auxquels on va participer ou qu'on va organiser. Donc du coup, on va parler de la projection d'un film mercredi en 8, donc le 25 au CICP. On sera également au salon anticolonial le week-end d'après, puisque justement cette projection elle rentre dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste. Et donc on a également une copine qui est avec nous, Élise, qui organise régulièrement depuis quelques années, donc même tous les ans, depuis 4-5 ans, une formation pour qu'on peut appeler Bricos, pour faire court, mais elle vous expliquera tout ça tout à l'heure. Ça permet de former les personnes qui souhaiteraient aller au Mexique et précisément au Chiapas et de pouvoir faire des brigades d'observation. Et donc, ils demandent une formation de manière à ce que les gens n'arrivent pas complètement déconnectés et fassent des erreurs et loupent un certain nombre de choses aussi. Et puis, ne soient pas finalement assez utiles pour cette entreprise qui est d'observer. En même temps, c'est ouvert aussi à ceux qui veulent apprendre apprendre quel mouvement zapatiste, ce qu'on peut y faire et comment on peut vivre et partager. Donc voilà, ça c'est très prochainement. Ce sera le premier week-end du mois d'avril. Donc c'est le 5 avril, le 4-5 avril. Donc vous pourrez vous inscrire et donc on vous donnera les détails un petit peu avec Élise, le pourquoi du comment et tout et tout. Et donc justement pour ceux qui vous souhaiteraient aller au Mexique cet été, puisqu'il y a des rencontres, comme le font souvent les zapatistes, il y a souvent des rencontres. Et donc voilà, on parlera un petit peu de toutes ces activités qu'il y a autour de nous, du concert qu'on organise aussi en avril et puis tout un tas d'informations, une petite pause musicale, et on aura Paul qui nous racontera un petit peu de ce projet de film qui sera projeté mercredi prochain au CICP. Pasamanos y huipil, desde su Chiapas natal, a darle voz al tzotzil, Ramona fue a la capital. Más varona que un varón, ella demanda trato igual, como india, como mujer, y en su tradición artesanal. Cuerpo pequeño que guarda un alma que es de gigante, ojos vivos en que se ve el legado de la explotación. No teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro color. El cáncer se devoró a esta indígena tzotzil, que engalanada en un huipil, en zapatista, se convirtió. Ramona, le dijo Cedillo, voy a hacer que te curen el cáncer. Y ella le contesta, nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud, no para que ustedes me curen a mí. Pasamanos y huipil, un día de reyes se fue esta bella india tzotzil, que comandanta se hizo llamar. Pasamanos y huipil, un día de reyes se fue esta bella india tzotzil, que comandanta y no comandante se hizo llamar. La jungle des luttes. Je crois bien que Paul est là s'il veut bien nous dire, nous présenter notre journée de mercredi 25 mars au CICP. Allô, allô. Bonsoir. Coucou. Allô, allô. Coucou. Alors, merci de nous appeler. Ouais. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vais vous faire un petit point bref sur la journée que tu as mentionnée en début d'émission de mercredi 25 mars, qui aura lieu au CICP, donc 21 Terre Rue Voltaire 75011, à partir de 19h. C'est une soirée thématique du coup qui s'inscrit dans le cadre de la semaine anticoloniale, qui se déroule entre Paris et Montreuil et dans différents endroits, dont le thème sera la rébellion zapatiste et l'internationalisme du 21e siècle. Donc à cette occasion-là, on a proposé avec le CSPCL la projection d'un film qui arrive récemment en Europe, qui s'intitule « Los sueños que compartimos », en français c'est « Les restes que nous partageons », qui est le premier long-métrage de film documentaire de Valentina Leduc Navarro, qui est une réalisatrice mexicaine, une cinéaste mexicaine, monteuse aussi, qui a été réputée pour notamment un film qui s'intitulait « Un volcan de lave et de gel » en 1994 et « L'histoire de I et de O » en 1999. Donc on est très heureuse de pouvoir projeter ce premier film de Valentina Leduc, qui fait du coup beaucoup d'écho avec la lutte zapatiste, dans le sens où c'est un film qui se situe, qui se projette en fait dans un futur utopique, dans une année de 2050, où l'humanité a pris conscience de l'importance de la préservation de la vie. Et du coup, depuis ce futur rêvé, le film se tourne vers différentes étapes qui ont rendu possible l'utopie, que sont des communautés qui se sont organisées peu à peu, des résistances qui se sont unies et des visions communes qui ont traversé les frontières. Ce voyage nous emmène dans différents territoires du monde où des peuples divers ont défié le système s'est donc uni autour d'un objectif commun, celui de protéger la vie. Donc ça, c'est le court synopsis qui avait été écrit pour le Mexique. Il a participé à un festival, notamment au Festival international de Morelia, qui, à l'issue duquel il a obtenu un prix. Et puis voilà, il a fait une tournée ambulante en 2025 et cette année, en 2026, il fera une tournée européenne de présentation et de projection en présence de Valentina Leduc, que nous aurons le plaisir d'accueillir du coup un petit peu en amont le 25 mars au travers d'une visio au cours de laquelle elle pourra répondre et réagir avec la salle à la suite de leur projection. Voilà, c'est un film qui est très très beau, qui parle du à la fois du désastre en cours, mais qui se place du côté de petites lumières construites par des communautés en lutte. Et donc, il traverse à la fois des géographies comme celle de l'Allemagne, où à Lutterrat, des militants écologistes se sont battus contre le plus grand projet minier d'Europe, mais aussi à Froxán, en Galicie, dans l'État espagnol, où des centaines de familles tentent de reconstruire une forêt ancestrale qui avait été remplacée par une monoculture d'eucalyptus, ou encore à Puebla, dans un des États du Mexique, où les communautés Cholultec affrontent les grandes entreprises transnationales extractives, dont la française Danone Bonafont, pour récupérer l'eau, le territoire et la dignité. Ce film suit donc les processus de différentes communautés et en lien avec le voyage entrepris par les apatistes en 2021, le Voyage pour la vie, qui était une nouvelle initiative qui a été annoncée fin 2020 par le ZLN et qui s'est concrétisée pour sa première étape en 2021 lors de la conquête inversée à contre-courant de l'histoire et consentie par les bas de Sloumil Kachenkop, ce territoire que nous appelons Europe ici et qui a été renommé par la dignité zapatiste l'Europe insoumise, la terre rebelle, la terre qui ne se résigne pas. Et donc dans le cadre de ce voyage planétaire qui s'entreprend, qui ambitionne de visiter les 5 continents, les apatistes essaient et tentent toujours encore de tisser les liens entre les luttes d'en bas, entre les petites résistances et les petites rébellions, celles qui sont parfois gigantesques et infimes, qui sont souvent invisibilisées. Et le film Le Parti pris de Valentina Leduc Navarro, avec ce film Los Sueños que Compartimos, c'est de suivre du coup ce long processus et de se placer depuis le rêve dans un imaginaire où peut-être nous pourrions remporter une victoire partielle, qui ne sera jamais définitive, mais une victoire pour un monde meilleur. Voilà, c'est la proposition que portent les apatistes, notamment au travers de la publication le 1er janvier 2021 de la Déclaration pour la vie. Voilà, une déclaration qu'on a eu l'occasion, à différentes occasions de cette émission La Jungle des Luttes, de revenir dessus, sur sa portée et sur l'importance de ce texte, voilà, qui dessine un petit peu cet internationalisme du XXIe siècle que porte la rébellion zapatiste et sur lequel on va se concentrer mercredi 25 mars au CICP. Et tout le monde, vous êtes toutes et tous bienvenus. Voilà, et donc il faut savoir que la Valentina Leduc Navarro va venir dans le cadre d'une tournée européenne qu'on accompagne en partie depuis Paris. Mais elle visitera notamment, elle sera reçue dans différents lieux de lutte en Europe. Et donc pour la géographie française, elle sera notamment à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, reçue le 18 avril, si jamais vous avez l'occasion de faire un détour par là-bas, mais aussi dans d'autres endroits de France, notamment en Auvergne, pour le festival Humus, qui aura lieu en Auvergne le 3 mai. Et puis voilà, elle pourra continuer sa petite tournée en Allemagne avec une semaine dans différentes villes d'Allemagne, mais aussi en Belgique, en Grèce et en Galicie. Et du coup, elle va sur des lieux qu'elle a rencontrés au cours de ce voyage pour la vie organisé par les apatistes, c'est ça ? Là, sur sa tournée européenne, elle remarche un peu sur les traces de certains endroits qu'elle avait peut-être bien que non, Grèce. Ouais, c'est ça. Pourtant, le voyage pour la visite, si ils étaient allés en Grèce finalement. Non, hein. Non, ils n'avaient pas pu aller en Grèce finalement, non. Ouais. Mais donc, c'est ils bien. Ils n'avaient pas pu aller en Grèce. Mais donc, c'est bien qu'elle y aille quand même, du coup. C'est bien trop long. Voilà. Ouais. C'est bien que les camarades. Elle va porter le voyage pour la vie jusque les territoires grecs. Bon bah du coup j'espère que vous ben voilà que vous serez présent au CICP donc à partir de 19h le mercredi 25 pour profiter de ce film. On aura aussi une table de presse le CSPCL, donc vous aurez aussi accès à de la documentation, du café et puis de l'artisanat. Vous pourrez éventuellement vous inscrire à cette fameuse formation Bricose dont on va parler tout à l'heure. Et puis on aura plein de nouvelles brochures qui sont hyper belles, des renseignements. On sera là pour parler avec vous aussi. Donc venez le voir en personne avec nous, ce sera l'occasion de discuter en même temps. Et donc voilà, il y aura Valentina normalement après, à partir de 21h. Donc même si vous n'avez pas le temps d'arriver à temps à 19h, on ne va pas commencer la projection tout de suite non plus. Hein, donc ne vous inquiétez pas, on va laisser les gens arriver quand même. Et donc voilà, ouverture des portes à 19h au CICP mercredi prochain. On fait une petite pause musicale et on vous parle ensuite de notre week-end formation Bricose. À tout de suite, musique. Mare advertencia lírica. Vinimos a hablar. El GMC. De las mentiras. Dinamita Costa Rica. México y Chile desde el primer mundo. La cultura está prendida. Sutacas. ¡Bra! Dice. Llegaron con sus rezos, nos quitaron nuestro suelo, esclavizaron, aniquilaron sin piedad a nuestros ancestros. En nombre del progreso siguen cometiendo abusos y ahora estamos aquí los busca vida y no es intruso. Una sociedad edificada en la mentira, propaganda de los medios, muchos conspiran. Los intereses políticos son los que priman. ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Ellos financian organizaciones terroristas. Aquí falta desintoxicación informativa. Bienvenido al primer mundo de codicia. Vasallos al servicio del Estado imperialista. Agresive et belliqueuse, la politique extérieure. L'immigration par un néocolonialisme dévastateur. Le contrôle des frontières pour causer ainsi la terreur. Divisé pour mieux régner, c'est donc bien entrer dans leur mœurs. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se apoyó la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cuál es el costo de la vida en primer mundo? ¿Cuántas verdades intentan esconderte? Quienes sufren el esclavismo en lo más profundo. ¿Cuánta gente se tiene que explotar para mantenerse? ¿Cuál es el valor entre el hombre y la mujer cuando lo único que vale es el dinero? Si el propósito es el mismo, o sea vender, ya sea mano de obra barata o ya sea sexo. ¿Cuánto valen los derechos humanos escritos en un papel que se quema igual que el bosque? En estados que son expertos en saquearlos, que nos imponen sus fronteras y nos imponen sus naciones. Si tanto miedo tienen a la migración, sería mejor dejar de empobrecer pueblos. Y es que muestran tanto miedo hacia el color, porque la armada del primer mundo se ha quedado ya sin ellos. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se abolió la esclavitud. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso quedan cuerpos extendidos en la arena. Los mató el calor del sol o la marea. Son tan solo resultados del olvido de su papá, el gran señor capitalismo. Es el negocio de las armas. Sin guerras no hay ganancias, sin ganancias no hay progreso. Unos muertos y otros presos. Los abusos policiales son banalizados. La publicidad sexista es aprobada y aceptada. Tanta información que no es nunca publicada. Recetan medicinas que intoxican y que matan. Enferman con venenos que le echan a las plantas. Azúcar y las drogas hoy controlan a la masa. ¿Cuál es tu reacción cuando testigo de injusticia? Tus reacciones en problemas son verdades que hablarán. Llamados minorías siempre han sido muchos más. Acentos y colores hoy se suelen despreciar. El primer mundo solo es blanco. Eso es mentira. Que el sexismo ya no existe. Eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Es un estado de derecho. Eso es mentira. El extranjero es el ladrón. Eso es mentira. Que se abolió la esclavitud. Eso es mentira. eso es mentira, eso es mentira. El primer mundo solo es blanco, eso es mentira. Que el sexismo ya no existe, eso es mentira. Que aquí solo hay riqueza, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Que es un estado de derecho, eso es mentira. Que el extranjero es el ladrón, eso es mentira. Que se abolió la esclavitud, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. Que tú mito, que tú mito, que tú mito. FPP, vous êtes toujours avec le CSPCL pour la jungle des luttes. On parle donc là aujourd'hui, on vous invite à venir passer le week-end avec nous, formation Bricos, le 4 et 5 avril, donc au CICP, donc à Paris. Bon, on peut éventuellement s'arranger, hein. Enfin, tu vas en parler, mais si vous n'êtes pas de Paris, c'est ouvert à vous aussi également, évidemment. Je et te donc, laisse présenter un peu, hein, puisque tu es la spécialiste de cette aventure. La personne qui coordonne, donc c'est évidemment organisé collectivement par différentes personnes du comité. Peut-être c'est bien pour ceux qui nous écoutent de commencer par rappeler ce que ça veut dire BRICOS, donc ça veut dire Brigada de Observación. Et donc c'est quoi ces brigades d'observation? Peut-être vous avez déjà entendu, si vous êtes un peu dans le monde du Chiapas et tout, campamentos, campamentistas. Donc c'est quoi ces campements? C'est quoi ces brigades? C'est quoi cette histoire de droits de l'homme? En fait, depuis très longtemps maintenant, hein, les premiers campements, c'était juste après le soulèvement zapatiste, 95-96, ça commence à se formaliser. Il y a des demandes à différents endroits, dans des communautés zapatistes, où la situation est tendue. Pas on se tire dessus, il ne s'agit pas de faire les boucliers humains, mais la situation est tendue. Il y a une demande de présence de personnes internationales ou nationales, mais en tout cas extérieures à la situation locale immédiate. Et il s'agit d'accompagner donc, des communautés qui sont des communautés indigènes qui construisent leur autonomie zapatiste ou pas zapatiste, et de les accompagner dans le quotidien pour qu'il y ait toujours un œil qui regarde, un témoignage potentiel. C'est-à-dire signifier que si quelque chose se passait, il n'y aurait pas d'impunité. D'autant qu'en fait, si pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les zapatistes, il faut dire que les zapatistes se sont soulevés en armes donc le 1er janvier 1994 et qu'ils ont signé un cessez-le-feu 12 jours après grâce à la mobilisation de millions de Mexicains. Mais donc, pour autant, la situation n'était pas du tout démilitarisée puisque l'État avait sorti ses militaires dans tout le Chiapas et organisé au fur et à mesure des années des groupes paramilitaires. Donc, il y avait une pression importante qui n'est plus la même aujourd'hui. Mais donc, il y a eu cette période de guerre. C'est-à-dire qu'ils construisaient l'autonomie, mais en étant dans une situation de guerre, en fait. Tout à fait. Il y a des enjeux de répression, de guerre de basse intensité. Donc, si vous écoutez cette émission au passage et que vous ne connaissez pas les zapatistes, effectivement, c'est important de le dire. Il s'agit d'accompagner des communautés qui construisent la fameuse autonomie zapatiste dont on a peut-être tous entendu parler, mais dans des conditions difficiles. Avec d'abord la présence de militaires qui a été beaucoup remplacée ou à laquelle se sont ajoutés les paramilitaires. C'est des choses qui demeurent ou qui ressurgissent aujourd'hui, la question des paramilitaires. Et puis avec d'autres tensions intercommunautaires, mais en fait suscitées de l'extérieur par l'État aussi. En tout cas, sans aller là maintenant dans le détail de chacun des types de tensions, ce sont des communautés qui demandent la présence d'extérieurs. Donc il s'agit d'être sur place pendant 2 semaines dans une communauté, puis de revenir au Centre des droits de l'homme, puisque c'est le Centre des droits de l'homme au Chiapas qui coordonne ce programme d'observation. C'est-à-dire, c'est pas à nous d'ici, il s'agit pas là maintenant de former des gens parce que nous, on les enverrait comme ça, de notre propre chef. C'est quelque chose qui, là-bas, au Chiapas, est demandé par les communautés et coordonné par ceux qui les accompagnent depuis très, très, très longtemps pour ouvrir l'espace ou conserver ouvert l'espace dans lequel les communautés peuvent construire leur autonomie. Et je trouve, je vais parler à titre personnel, que c'est une des manières de s'engager là-bas qui fait vraiment sens et qui donne accès à un certain contact avec les communautés sur place, notamment Zapatistes, mais d'essayer de comprendre voilà, ce que c'est que ces communautés indigènes qui construisent leur manière de s'autogouverner. Parce que le centre Fray Bartolomé de las Casas, le centre Frayba, comme on l'appelle... qui est le nom du centre des droits de l'homme, effectivement. Qui agit, qui organise ces brigades d'observation, eux existaient avant le soulèvement zapatiste. Ils ont une existence antérieure. Et du coup, au Chiapas, il y a plusieurs centres dans le... Mexique, mais donc au Chiapas, il y a une situation particulière du fait du soulèvement zapatiste, effectivement, et donc il y a eu cette organisation qui a été importante, sachant que du côté des zapatistes, il y avait aussi des brigades d'observation qui étaient organisées là par l'association NLAC Civil, qui elle dépendait des zapatistes et qui n'était pas dans un rapport. Qui du coup, en tous les cas, voilà, c'était géré par les zapatistes, par une organisation qui est civile, par les zapatistes, pour avoir justement une présence étrangère dans des campements, puisque le fait d'être étranger aussi, ça permet de créer une pression politique, comme on le sait en général. Ça marche jusqu'à un certain point, justement, selon les situations. Oui, c'est ça. On se retrouve de toute manière pas dans des situations où les groupes se tirent dessus. Là, dans ces cas-là, on n'envoie pas d'observateurs. Ça n'a pas de sens. Mais dans des situations de tension, où on sent que les tensions montent entre des groupes de personnes, qu'il ne faudrait pas que ça aille plus loin. Il s'agit plutôt de ça. Oui, donc justement, là, il y a des périodes où on peut aller dans des communautés et pas dans d'autres, et que ce n'est pas systématiquement dans les mêmes lieux où on va faire de l'observation, puisque ça dépend justement de la tension sur la communauté en question. C'est ça, il faut que ce soit pertinent dans la situation. C'est néanmoins une des manières d'accompagner les communautés en étant un petit peu plus de l'intérieur, je dirais, par rapport à l'ensemble de ce qui s'offre à quelqu'un aujourd'hui en allant au Chiapas. C'est quand même vraiment une occasion de voir les choses de plus près. Parmi les motivations qui peuvent faire qu'on décide d'y aller, de ne pas rester à l'extérieur, en ville, à San Cristobal, sans un vrai accès aux gens. Donc c'est vraiment une manière de s'approcher de ça. Et donc pour participer à ce programme d'observateurs de BRICOS, le Centre des droits de l'homme là-bas demande à ce que les gens soient formés. Donc il ne s'agit pas de faire un an et demi de formation, il s'agit d'arriver préparé en sachant de quoi il s'agit, à quoi on s'engage, c'est-à-dire que les gens en conscience décident où ils vont, et puis d'éviter les plus gros impairs, puisqu'on imagine bien que si les communautés sont accompagnées de quinzaine en quinzaine par des gens qui arrivent de l'extérieur, quand même c'est bien si tout le monde ne fait pas les mêmes bourdes toutes les deux semaines. Et c'est un peu dans cette perspective que c'est-à-dire nous proposons. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes vont rester... Pendant deux semaines, les mêmes personnes s'engagent à rester deux semaines au même endroit, dans la même communauté, c'est pour ça. Observer. Donc et donc, ce n'est pas village. Ni plus ni moins. C'est pour ça que tu disais tout, par quinzaine, puisqu'en fait, en général, ils essayent de faire tourner. Oui, c'est même obligatoire. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, a priori, il faut revenir en ville, ne serait-ce que pour transmettre l'information, puisque un des rôles des observateurs des droits de l'homme, c'est de faire circuler une information précise, un peu plus profonde sur la situation du lieu. Donc au bout de deux semaines, il faut revenir en ville. Et on peut repartir ensuite, on a le droit de faire plusieurs BRICOS dans des lieux différents éventuellement. Mais les séjours eux-mêmes, oui, sont de deux semaines. Et donc dans différents endroits du monde, essentiellement en Amérique du Nord, en Europe et au Mexique, il y a des endroits, des collectifs auprès desquels on peut se former pour participer à ce programme de BRICOS. Et nous, ici à Paris, on fait ça un week-end par an au printemps. Cette année, ce sera les 4 et 5 avril. Donc Virginie a dit tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, y compris si vous n'habitez pas Paris. On s'arrange, on propose un hébergement solidaire pour passer ensemble un week-end gratuit mais intense. C'est ce qu'on écrit sur l'affiche et je crois que ça reflète une certaine réalité. C'est-à-dire on commence le samedi matin, on passe la journée ensemble, on parle de plein de choses. Il s'agit de s'informer sur l'histoire du Mexique pour avoir des repères, les partis politiques là-bas. Donc une histoire plus ancienne, une histoire plus récente. Parce que parfois c'est important quand on arrive là-bas simplement de comprendre les implicites, qui parle d'où, ce que disent les gens, les références. Sinon on ne s'y retrouve pas, on n'est pas un observateur utile ni pour les autres, ni d'ailleurs pour soi-même. Moi je trouve que c'est très bien à titre individuel d'avoir ces références quand on arrive. On parle de l'histoire un peu du mouvement zapatiste, on essaye de parler de la construction de leur autonomie, des autres mouvements aussi d'autonomie indigène au Chiapas, puisque ce programme, il n'est pas réservé aux zapatistes. Il y a plusieurs mouvements indigènes qui construisent leur autonomie, dont beaucoup quand même se coordonnent entre eux, notamment au sein du CNI, c'est-à-dire du Congreso Nacional Indígena. Donc on parle de tout ça. On fait des petits ateliers où on essaye de voir comment se comporter dans une communauté, parce que c'est quand même un monde un peu différent de celui dont viennent la plupart d'entre nous. C'est un monde rural, un monde de village, dans des cultures mayas. Enfin, il y a plein de différences, de distances, de niveaux de vie aussi, etc. Donc on fait des petits jeux de rôle pour essayer d'éviter, disons, les malentendus culturels les plus évidents. Vous inquiétez pas, vous aurez sûrement des surprises de toute manière. Quand on arrive dans un monde différent, il y a toujours des nouveaux trucs à découvrir. Mais disons, on dégrossit un peu les choses. De quoi on parle, de l'histoire de la lutte des femmes là-bas. On parle d'éléments pratiques aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir à ce week-end de formation et qui ne sont jamais partis au Mexique. Donc on parle, je ne sais pas, est-ce que l'eau est potable là-bas? Est-ce qu'il faut prendre un visa? On répond à toutes les questions pour que les gens se sentent, disons, sécurisés dans leur idée, leur projection de ce que ça veut dire que d'y aller, sûrs aussi de leur motivation, et puis équipés pour pas faire des bourdes. On essaye aussi de passer un bon moment, on se donne des témoignages. Le samedi soir, on fait soit une rencontre, soit une projection, on mange ensemble. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un week-end intense, hein. Ça inclut la soirée du samedi, ça inclut les repas. Normalement, à la fin, on est potes. Et vous ressortez de là avec plein de notions pour comprendre mieux ce qui se passe. Enfin, vous revenez le dimanche, hein. Oui, vous ressortez le dimanche soir. Vous avez le droit d'aller dormir le samedi soir, ensuite vous revenez le dimanche. Et donc, vous ressortez de tout ça le dimanche soir en ayant plus de notions. Et comme vous l'entendez déjà, là, pendant qu'on parle, c'est pas utile seulement si on veut faire spécifiquement le programme BRICO. Ce week-end, il est ouvert à tous les gens qui s'intéressent à la situation au Chiapas et à la construction de l'autonomie là-bas, que vous voyagez au Mexique ou non. C'est-à-dire, vous pouvez venir au week-end, c'est évidemment pas un engagement d'avance à voyager au Mexique, puisque le week-end sert aussi à décider si on trouve ça pertinent. Mais même si vous savez que vous y allez pas, nous on est très contents que ça serve à partager des connaissances, des expériences. Par ailleurs, vous pouvez évidemment venir si vous avez le projet d'aller au Chiapas et de ne pas faire de BRICOS. C'est OK et il n'y a pas besoin de faire semblant. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est très, très bien qu'on serve aussi à ce que les observateurs, tous les observateurs qui vont au Chiapas, tous les gens qui ont un projet là-bas, soient plus pertinents au moment où ils arrivent. La seule chose à faire, c'est de s'inscrire. Et c'est tout. Le week-end est à prix libre. Prix libre qui est supposé couvrir simplement les frais de repas, puisqu'on partage les repas. Donc libre, conscient, mais modéré. Il ne faut pas que ce soit une limite pour qui que ce soit. On propose un hébergement solidaire si vous n'êtes pas à Paris. Donc globalement, on essaye de faire les choses au mieux pour que le maximum de personnes aient accès à ces infos, à ce partage d'expériences et puissent venir en profiter avec nous. Eh ben, on fait une petite pause et on revient avec la suite de ce week-end. Fabric. Libre no me contiene este cuerpo, ni cuatro paredes pueden contener al viento. Solo con contar contigo, con eso tengo. Libres de pensamiento, juntos en movimiento. Mi país me duele por su mal gobierno, una muerte tras otra, sin remordimiento. La impunidad siempre es el procedimiento. Es hora de recuperar el poder desde acá adentro. Palabras dadas como balas de conocimiento te darán un escarmiento. Corre que apenas caliento, sigue el mandato. Vista al frente, la sangre ardiendo, con mi puño en alto, en las calles goreando, porque desde Tlatelolco hasta Ayotzinapa, ningún estudiante más borrarán del mapa. He nacido libre, tú has nacido libre, y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre, tú has nacido libre, y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre. ¡Gracias! brutalidad policiaca y abuso de poder. Es lo que he podido ver en cada lugar que voy. Brutalmente honesta con un poderoso flow. Esta es mi respuesta, tu control se acabó, let's go. Ojo por ojo, intentan callarnos. Diente por diente, no es suficiente. Para poder borrarnos tienen que borrar el continente. Simplemente si nos cuentan, no pueden. Todo lo que avanzamos, ellos retroceden. Nuestros derechos humanos políticos transgreden. ¿Qué clase de persona está en el mando? Un títere que lo lidera, un arco comando. Cuando tu voz hace eco con mi voz, cuando vamos sin buscarlo hacia la misma dirección. Sé que aunque no te conozco y no me conoces, cuando te mires seguro me reconoces. He nacido libre, tú has nacido libre. Y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre, tú has nacido libre. Y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre, libre. Tú has nacido libre, libre. Ey, ey, apaga la televisión. No será televisada la revolución. Ey, ey, si quieres un mundo mejor, sé tú la transformación. Tú la transformación. No me hables de paz y no puedes esperar más. El fin de semana para hablarle al dealer no hay coherencia. Es como el vegano que no toca un animal, pero a los seres humanos los maltrata sin clemencia. ¿De qué sirve un micro si no lo desenfundo? ¿De qué me sirve el don si no lo hago profundo? ¿De qué sirve la gente sin ser un movimiento? ¿De qué sirve la voz si no hablo desde adentro? He nacido libre, tú has nacido libre. Y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre, tú has nacido libre. Y cuando nos juntamos hacemos que vibre. He nacido libre. Nacido libre, niña Dios, desde México para el mundo, la libertad comienza en tu mente, así es ya, ¿cómo suena? 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc on continue avec cette formation Bricos qu'on ouvre, qu'on propose à tout le monde qui a envie de s'intéresser au Mexique et d'en apprendre un petit peu plus, de se consacrer un week-end autour des luttes des communautés au Chiapas et au Mexique. Et donc peut-être précisément comment vous pouvez faire pour vous inscrire. Bon, bah déjà peut-être éventuellement venir à notre prochaine assemblée, comme je le disais, le troisième mercredi du mois à 20h au CICP à Paris 11e. Donc là, vous pourrez éventuellement vous inscrire. Et sinon, par mail, je pense qu'il y a une adresse mail spécifique hein, pour ça, si tu veux peut-être la donner. Oui, tout à fait. Donc l'adresse mail, c'est bricos, B-R-I-C-O-S, Paris, comme la ville de Paris. Tiret du 6 au milieu, de, normal. Dans la vie, j'ai pas un PC, mais tiret normal, enfin, milieu, ouais. Comme le tiret au milieu des mots qu'on a tiré. @protonmail, c'est sur protonmail. Ça doit être .com, protonmail. Donc vous pouvez vous inscrire par mail, vous pouvez venir à notre assemblée. Si vous venez à la projection dont on parlait antérieurement, le 25 du film de Valentina, Le Duc Navarro, Los Sueños que Compartimos. Donc si vous venez à n'importe lequel en fait, des événements du comité, vous pouvez bien sûr demander à laisser votre nom pour vous inscrire. Redonne l'adresse, parce que du coup, avec l'histoire du tiret du 6, là, Bricos, donc Bricos, B-R-I-C-O-S, trait d'union, Paris, @protonmail.com. Voilà, donc on n'hésitez pas à vous inscrire, peut-être pas jusqu'au dernier moment, parce qu'il faut juste un petit peu qu'on s'organise, mais du coup jusqu'au deux jours avant, c'est bien. Après, au dernier moment, on peut toujours s'arranger, évidemment. En mais, fait, on accueille tout le monde, mais... c'est juste que si vous pensez venir, même si vous n'êtes pas sûr, mettez-nous un mail, parce que c'est bien qu'on sache pour combien on fait à manger, voilà. Et puis qu'on ait de la place au cas où ce soit, donc si au cas où on est très sollicité, il faudrait qu'on ait de la place au cas où. Quoi. Voilà, si vous êtes un groupe de 25 à vous inscrire en même temps, là il faut nous le dire maintenant. Il faut qu'on change de salle. Mais normalement, quand on se retrouve une formation Bricos, pour vous donner une idée, on passe le week-end à une dizaine. Une dizaine hein. Ouais. C'est pas un truc en énorme groupe. C'est ça l'intérêt aussi, de pouvoir partager et d'avoir des moments aussi le midi. Il y a des personnes qui viennent juste pour partager leur expérience. Et donc voilà, du coup, on peut se rencontrer aussi autour de ça. Et donc justement, pouvoir, si vous avez envie d'aller justement cet été aux rencontres sans faire les bricoles, comme on le disait, les apatistes, Bah, pour ceux qui connaissent bien les Apatis, vous savez qu'ils proposent régulièrement des rencontres. Ils prennent des initiatives et ils organisent très souvent des rencontres. Et donc là, cet été, bah là, ils en ont organisé presque tous les 6 mois. Et donc là, de nouveau, cet été, il y aura des rencontres. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Tout à fait. Donc là, les annonces ont commencé à se préciser. On sait que pendant la première quinzaine du mois d'août, il y aura non pas une seule session, mais 2 sessions de rencontres. Donc c'est le moment. Une sur les arts, c'est le retour d'une forme de comparte, donc de festival de partage des arts, auquel vous êtes donc particulièrement invité à vous inscrire si vous avez une pratique artistique, que ce soit plastique, théâtrale, corporelle, de danse, etc. Et donc l'idée, c'est de réfléchir ensemble à ce que peuvent être évidemment des arts dans le contexte de l'autonomie. Donc peut-être penser la question si c'est un truc qui vous chatouille dans votre pratique artistique. Voyez l'art et le capitalisme, qu'est-ce que ça fait, le marché par rapport à mon art, qu'est-ce que je fais comme production artistique en dehors de ça ou pour créer autre chose. Là, vous êtes le cœur de cible des gens qui, vraiment, à mon avis, seraient très heureux d'aller là-bas. Ça ne s'adresse pas pourtant que aux artistes, hein. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait y aller pour plutôt apprendre, voir ce que font à la fois les apatistes et les gens de l'international et de l'ensemble du Mexique qui vont arriver pour partager à ce moment-là. Parce que c'est aussi une forme de résistance et une expérience à partager aussi, les arts comme résistance aussi. Tout à fait, et peut-être parce que les arts ne concernent pas en fait que les professionnels de l'art. Enfin là, j'immisce mon avis dans cette question-là qui reste ouvert, mais peut-être que si on veut un art non capitaliste, la question n'est pas juste de savoir qui en est le professionnel. Et donc ça, c'est une rencontre, et il y en aura une autre, a priori, soit dans le même lieu, soit dans 2 lieux différents, mais successives, donc vous pouvez envisager d'aller aux 2. Une autre rencontre qui sera plus des resistencias y rebeldías, donc de résistance et rébellion, donc où il s'agit cette fois non pas par le biais d'une thématique comme l'art, mais de manière, j'ai envie de dire, plus directe, de partager les luttes, les constructions d'autonomie, de résistance, face à des grands projets, face à toutes sortes de problématiques qui peuvent nous toucher ici en Europe, là-bas au Mexique, et en particulier dans le cas des peuples du CNI, la construction de l'autonomie pour des peuples indigènes au sein d'un État comme l'État mexicain. Donc ça, ce sera une deuxième rencontre qui est annoncée, tout ça pour la première quinzaine du mois d'août. Donc si vous voyagez effectivement au Chiapas, si vous allez au Mexique prochainement, si vous êtes au Chiapas l'été prochain, ça fait partie des expériences aussi auxquelles vous pouvez accéder. La sécurité depuis quelque temps est quand même encore renforcée, donc c'est bien de s'inscrire, aller sur Enlace Zapatista, qui est sûrement un site dont on vous donne la référence tout le temps dans cette émission et que tout le monde sait trouver. Et vous aurez les liens, c'est bien de s'enregistrer en avance par rapport. S'il y a des gens qui y sont allés il y a 10, 15 ans, qui ont l'impression qu'on peut débarquer du jour au lendemain, c'est mieux de s'inscrire maintenant. D'autant qu'il y a parfois aussi pour eux des besoins d'organisation, parce que là, ce n'est pas des dizaines de personnes qui reçoivent, mais c'est plutôt par centaines, voire par milliers, selon les rencontres. Là, en plus, ils préviennent bien en avance. Et en plus, il y a 2 semaines de rencontres. Donc ça, c'est riche aussi. Donc du coup, c'est peut-être le moment d'y aller. D'autant qu'en termes de sécurité aussi, de manière générale, si les apatistes proposent, c'est que la sécurité est garantie. Après, au Mexique, de manière générale, là, il y a des moments où c'est un peu plus tendu. Mais en fait, c'est praticable, donc je pense qu'il faut pas, enfin voilà, le monde est en guerre, ma foi, effectivement, mais au Mexique et au Chiapas, la situation, il y a des tensions, il y a des points de vigilance. Donc si vous avez des doutes, par exemple, venez au week-end de formation Bricos, on en parle aussi de ça. Il faut pas faire n'importe quoi, mais par contre, effectivement, quand les apatistes invitent, ça veut dire que eux, dans leur cadre, ils y ont pensé d'avance. Enfin, quand ils ont peur pour la sécurité des gens, ils ne les invitent pas, ils le disent très clairement. Donc ça, c'est une grosse assurance de leur côté. Et d'ailleurs, notamment par rapport à la formation Bricos, pour ceux qui ont déjà participé à l'une des formations, depuis quelques années, il y a justement plus de brigades d'observation organisées sur des territoires apatistes, dans des communautés apatistes, puisque précisément dans un premier temps il y a eu le Covid, donc les apatistes, eux, se sont coupés du monde très rapidement. Puis il y a eu le voyage pour la vie qu'ils ont organisé eux-mêmes et donc qui les a amenés en Europe, en délégation, donc sur différents pays d'Europe. Donc du coup, ils étaient toujours, eux, leur territoire fermé pendant ce temps-là aussi. Donc pendant des années, le territoire a été inaccessible. Et en termes de sécurité, de brigade d'observation, il y avait des situations qui étaient tellement tendues que ça ne servait à rien de pouvoir engager la sécurité des personnes qui seraient observatrices et d'autres situations qui n'étaient pas appropriées à la présence de personnes extérieures. Donc je ne sais pas si aujourd'hui il y a des communautés zapatistes qui font la demande d'avoir des brigades d'observation actuellement. Bon, depuis quelques années, c'était pas le cas, mais ça a peut-être un peu évolué. Alors, En ce moment, de communautés ouvertes, il y en a deux. Une qui est à Acteal, je dis le nom parce que si vous lisez des choses sur l'histoire du Mexique, Acteal, donc c'est le lieu du grand massacre d'Acteal de 97, eux, ils sont accompagnés sur le long terme. C'est-à-dire, il y a toujours des observateurs à Acteal, d'une part parce que c'est un lieu qui a vécu un grand traumatisme et que, y compris une ou deux générations, ils sont encore en train de le travailler. D'autre part parce que c'est un lieu qui se trouve dans une zone où il y a encore aujourd'hui des enjeux de sécurité, à savoir qu'il y a parfois des déplacements de populations qui viennent d'ailleurs mais qui se réfugient à Acteal, et c'est bien d'avoir des observateurs dans ces cas-là. Donc ça, c'est un lieu où il y a toujours des observateurs. L'autre qui est ouvert en ce moment, peut-être on n'est pas obligé de donner toutes les infos publiquement, mais c'est quand même des familles très proches qui ne se déclarent pas en ce moment Bases de Apoyo Zapatista, mais qui sont encore CNI et qui par ailleurs ont été, seront peut-être. Enfin, il y a des dynamiques au Chiapas de savoir à quel moment on sort ou on rentre dans le mouvement, mais sans se fâcher avec le mouvement, simplement pour des raisons d'évaluation de la situation locale et de la possibilité, là, de maintenir, de l'opportunité de se déclarer ou de ne pas se déclarer. Enfin, c'est en l'occurrence à cet endroit quand même un compagnonnage très proche avec des gens qui ont des choses à raconter sur leur expérience du mouvement zapatiste. Effectivement, il y a encore d'autres communautés, entre autres zapatistes, qui pourraient théoriquement ouvrir. Pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de monde pour participer au BRICOS. C'est-à-dire que le Centre des droits de l'homme n'ouvre pas des nouveaux lieux si on n'est pas sûr ensuite de pouvoir maintenir une continuité. Parce que parfois, c'est même un appel, sinon, au problème. Si on met des gens pendant 2 mois, ensuite, il n'y a plus personne, donc peut-être les agresseurs vont s'engouffrer là-dedans. Donc ça c'est un vrai enjeu. À l'avenir, je ne peux pas dire s'il y aura d'autres lieux zapatistes ouverts. Je peux dire qu'ils nous transmettent régulièrement le fait qu'il y aurait des demandes à nous aussi de notre côté d'être capables d'assurer une présence fiable pour que ça puisse ouvrir et fonctionner. Bon, bah, on se fait une petite pause musicale. Merci pour tes infos. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pourrez nous rencontrer à différents événements. Mais sinon, c'est bricos-du6paris@protonmail.com. C'est sur Protonmail, c'est ça, oui. Pas oublier que j'arrive de loin, plus loin encore que nos virées, que personne n'aurait parié, que j'arrive vivant dans ma majorité. J'ai survécu au cachot, à vos drogues, à votre autorité. Je m'en sors pas trop brisé, fais à tous ceux qui nous ont quittés. J'ai le mal de vivre, le cœur coincé dans le passé. Je parle à mes absents en larmes, les souvenirs entassés. Une lame plantée dans l'abcès, faut que je trouve la paix avant de clamser. Pieds nus, je cours sur des brasiers, ma plume défie au gratte-ciel. Je connais l'instinct de sacrifice, fuck tous vos artifices. Voiler la face, c'est pas du pacifisme, chaque guerre est fratricide. Activiste, le monde est glauque, ouais, vas-y atterrir. Tout le monde veut acquérir, donc si attaché, moi je ne pense qu'à guérir. Je me casse en pleine nature, appelle-moi Artemis. Insupportable comme un chêne trahi, comme un chêne paille, mon âme est triste. Je manie l'éclair, car de la foutre, j'ai la maîtrise. La vie est brève, ma rime est claire, y'a zéro place pour ta tristesse. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio, llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza. Tan lejos, cada uno tiene la carga de su camino. Si l'eau a coulé sous les ponts, ou que les ponts soient passés à l'eau, je garde mon lien personnel avec dedans et avec là-haut. Cause des ruelles, citoyenne du monde, je casse les barreaux. Fils spirituel del soupe, commandante des galéanos. Corazón zapatista, en vivo del barrio. Época salida de la pinche época del diablo. Humanos todos hermanos, ni maestro ni esclavo. Cantando la luz en las ruinas de un mundo quemado. Lejos de lo que extraño, ya estabiliza el escenario. Imprevisible como la vie, choque de la bêtise de facho. Ma pluma touché en plein cœur, sans les télé ni les radios. Insensible à leur boycott, à leur système pesado. Cher public, ensemble on a niqué l'industrie. Pas besoin de leurs médias pour faire vivre la musique. Qui a tué le rap noyé au fond d'un jacuzzi? J'ai choisi le mic et pas l'usine pour tirer sur l'eau à Jésus. Llevamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza tan lejos. Cada uno tiene la carga de su camino. Llegamos de tan lejos, en todo sentido tan lejos. En silencio llevamos una fuerza tan lejos. Cada uno tiene la carga de su camino. Ma plume de vivo raciel, corazón zapatista. Ma plume de vivo raciel, corazón zapatista. Ratiel, ratiel, 106.3 FPP, c'est toujours la jungle des luttes. Donc là, on avait envie de partager avec vous un petit moment de la manif du dimanche 8, pas celle de samedi dernier où il y avait effectivement aussi beaucoup de monde, beaucoup plus de pression évidemment. Mais donc voilà, dimanche 8, là, journée du droit des femmes, il y avait une assez bonne ambiance, il y avait sûrement pas tout le monde, mais voilà, on partage avec vous quelques petits moments. Féministe avec Gaza, le pinkwashing, ça fonctionne pas. Féministe avec Gaza, le pinkwashing, ça fonctionne pas. Libérez la Palestine, libérez Gaza, libérez la Palestine, libérez Gaza, libérez la Palestine. Soy la niña que subiste por la fuerza.

Et donc le week-end, il y aura à la Parole Errante, un week-end samedi et dimanche, donc on aura une table. Et donc ce salon anticolonial et antiraciste, c'est donc la 20e édition de la semaine anticoloniale, donc du 20 au 29 mars. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le 20e, c'est bien de marquer, parce que là on est dans un monde en ruine, marqué par les destructions de masse et l'étau fasciste, nos voix et nos corps s'élèveront toujours contre les prédations coloniales, prédations économiques et culturelles et ingérences politiques. Sous le capitalisme, les États tombent ouvertement les masques. Ils exhibent sans retenue leur nature raciste, génocidaire, expansionniste et écocidaire. Une concentration économique qui favorise un impérialisme ne peut déboucher que sur la chasse à tout ce qui fonde l'espoir, l'égalité, la libre circulation, la libre installation des personnes et l'autodétermination des peuples. Cette année, nous suivrons le fil rouge des États actuellement en guerre contre la jeunesse, contre les peuples en lutte, contre la paix et contre les personnes réfugiées et migrantes ou exilées, assujetties, exterminées, réprimées, conscrites ou expulsées. Nous menons une bataille pour une société de justice et de paix, débarrassée de l'exploitation, du colonialisme et du racisme. Plus que jamais, la solidarité et la lutte doivent être nos armes. Chaque année, dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste, nous voulons faire front en portant les voix plurielles qui portent la résistance et les émancipations de nos territoires. Donc nous serons mobilisés à l'occasion de la journée internationale contre le fascisme et le racisme organisée, donc la marche qui a eu lieu déjà donc samedi 4 dernier. Et donc dès le 21, ce sera le CICP, l'ouverture de cette semaine-là, qui sera donc consacrée à un débat décolonisons, consacré donc au territoire sous domination française en lutte contre les bases militaires. Et donc ce sera la clôture de ce salon anticolonial et antiraciste donc à la Parole Errante à Montreuil, donc le samedi et le 29. Et donc ce sera comme il y a donc en général à la Parole Errante, un espace pour de la musique et des projections et des débats et des tables, avec donc plusieurs organisations membres du collectif qui organisent donc cette semaine anticoloniale. Donc on espère vous y voir. C'est le début du printemps, donc c'est le début des activités quand même. En général, ça commence à bouger un petit peu, et c'est le moment ou jamais effectivement de bouger, puisque l'étau se resserre. On le voit pointer le fascisme un peu partout dans plusieurs états du monde, et des guerres qui n'en finissent pas et qui même nouvellement arrivées là sur tous ces peuples qui, donc on pense à eux, l'Iran, le Liban et tous les autres, la Gaza évidemment. Et donc voilà, semaine anticoloniale et antiraciste sur Paris, mais il y a aussi des dates à Argenteuil, il y a une journée aussi à Ponto Cobo, il y a un film qui sera projeté. Bon, sinon évidemment c'est plus sur Paris quoi. Bon, on fait une petite pause musicale. De toute façon, là, aujourd'hui, on est un petit peu en baisse de régime. Donc, on va passer pas mal de musique. Mais la musique, c'est important. Faut un peu aussi pouvoir se détendre. C'est bien, là, dans ce monde de brut. Chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail. Partout je le vois que la nature agonise, les politiciens disent qu'ils trouvent ça horrible, donc ils prennent la pose aux côtés du cas Sicraoni, puis signent les contrats qui vont raser l'Amazonie. Dans les médias, le journaliste sceptique, face à l'évidence du bordel climatique, quand la quantité de nos déchets plastiques forme un nouveau continent dans l'océan Pacifique. La nature se pollue, mais faut voir ce qu'on y jette. L'obsolescence est programmée, les métaux rares sont pillés. À peine 3 ans après, ils s'entassent dans des décharges au Niger. Ils ont privatisé l'eau, ils privatisent les terres. C'est Bayer, Monsanto, c'est Coca, c'est Nestlé. Fout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières, révolution sociale, écologiste, libertaire. Fout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. La position politique est radicale, avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Fout à cagoule, zapatiste, occupation des terres comme un sadiste. résiste. C'est un appel au-delà des frontières. Révolution sociale écologiste. Résiste. Comme les indigènes d'Équateur face à l'industrie pétrolière. Résiste. Comme les paysans du Sahel face à l'avancée du désert. Repoisons les forêts comme au Gary Mataille. Seul le fait de ne pas y croire sera contre bataille. Pour la victoire il faut livrer bataille. Avec la détermination d'un guerrier Maasai. Monter des autonomies dans des politiques et leur attitude hautaine. Viens donc voir ce qui se passe rien qu'au sud de la Haute-Vienne. Je ne vois de solution que dans la décroissance. L'autonomie, le boycott des actes et pas que d'ajacance. La problématique est globale. Révolution mondiale. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. La position politique est radicale. Avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières. Révolution sociale écologiste et libertaire. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. La position politique est radicale. Avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières. Révolution sociale écologiste et libertaire. Ce sont les structures capitalistes orientées vers la logique du profit maximum et le plus rapidement possible qui sont à l'origine des dérèglements à la fois socio-écologiques que nous constatons aujourd'hui et à l'origine du fameux réchauffement climatique. Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Pour se bouger pour se bouger pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc, plaquer le bloc. Pour se bouger pour maintenir que le rapport de force. Pour se bouger pour maintenir. Les deux sources d'où jaillit toute richesse. La terre et le travailleur. Si tu trouves que j'ai des propos violents, c'est que t'es jamais sorti de manif le visage sanguinolent. Faut se bouger pour maintenir que le rapport de force. Plaquer le bloc, pluie de cocktails comme en Corse. Elle est pas loin l'époque où la France sabotait le Rainbow Warrior. Chez les frères écolo radicaux, rien que cette année c'est 164 morts. Soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. La position politique est radicale. Avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières. Révolution sociale écologiste et libertaire. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. La position politique est radicale. Avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. Révolution sociale écologiste et libertaire. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. La position politique est radicale. Avant que ce ne soit la vie qu'ils éradiquent. Foutre à cagoule zapatiste. Occupation d'État comme un sadiste. C'est un appel au-delà des frontières. Révolution sociale écologiste et libertaire. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, dans les dates à noter, là, donc, vous avez également, donc, le 12 avril, donc, au CICP encore. Décidément, bon, ben voilà, hein, le CICP, c'est notre lieu en ce moment. Bon, non, on sera à la parole errante quand même pour la semaine anticoloniale. On organise un concert avec, donc, CCC, Collectif Contre-Culture, qui chaque mois organise un concert pour un groupe, un collectif ou une association. Et donc le 12 avril, ce sera avec nous, le CSPCL. Et c'est aussi donc l'occasion de parler des différents projets que lancent les apatistes, et donc notamment ce grand projet qui est un hôpital qui pourrait donc du coup vraiment être un hôpital avec du matériel pour accéder à des soins ou des opérations véritablement avancées dans l'autonomie, puisque donc l'autonomie apatiste, c'est l'éducation, la santé, surtout les secteurs de la vie, tout ce qui touche notre quotidien et notre vie. Donc la santé, c'est une grosse base. Et il y a eu dans toutes les communautés depuis le soulèvement, depuis 32 ans, petit à petit, l'autonomie s'est construite. Et donc dans chaque communauté, il y a ce qu'on appelle une maison de santé. Dans chaque région, il y a un petit hôpital ou une maison un peu plus conséquente avec peut-être des soins spécifiques comme obstétricienne par exemple et donc avec des soins plus spécifiques au niveau dentaire par exemple, une clinique dentaire qu'on a pu soutenir à une époque. Donc voilà, mais évidemment il y a encore tout un tas d'opérations qui ne peuvent pas être prises en charge par les apatistes, et donc là ils se sont lancés dans ce grand projet sachant qu'il y a des médecins autour d'eux et des gens compétents prêts à évidemment les former et à travailler avec eux, mais il faut d'abord construire ce bâtiment. Et donc il y a eu une première campagne l'année dernière, on vous en avait parlé je pense, et donc là il y a cette année, ils lancent une deuxième campagne de dons pour pouvoir justement finir de construire et acheter du matériel pour que cet hôpital puisse fonctionner, sachant que les apatistes travaillent depuis longtemps et depuis toujours et depuis le départ sur du long terme. Ils savent très bien qu'ils sortent d'une nuit obscure de 5 siècles et qu'il va falloir du temps avant de pouvoir trouver la lumière. Et donc, mais petit à petit, ça se des petites étincelles de partout. Et donc, ils sont très patients. Et donc, voilà, un jour, on verra cet hôpital probablement. Mais donc, en attendant, il y a besoin de dons. Là, c'est pareil. Vous pouvez nous faire des dons si vous le souhaitez. Bon, nous, de notre côté, on se charge d'organiser des journées, des événements pour les dons. Donc en parlant de dons, finalement, peut-être que vous pourriez, si vous avez les moyens, faire des dons à FPP, puisque FPP est une radio associative qui a besoin de moyens, sachant que les nouvelles politiques sont en train de faire chuter les subventions d'un grand nombre d'associations, et donc la radio a été déjà beaucoup touchée depuis longtemps, et donc FPP en particulier se trouve menacée. Il y a des problèmes de trésorerie, et donc n'hésitez pas à faire des dons à FPP, et donc adressez-vous à FPP pour savoir comment faire parvenir ces dons au mieux. Mais il y a vraiment besoin pour fonctionner vraiment, payer des charges. C'est une radio associative, mais il y a quand même 2 salariés qu'il faut payer, ou peut-être 2,5 ou 3,5, je n'ai plus les comptes. Ça s'est réduit, ça aussi, au fur et à mesure du temps. Bref, résultat, voilà. Si vous avez besoin de dons, et nous, on se charge par contre de récupérer des dons pour le Quiriofano en organisant donc justement ce concert le 12 avril. C'est le format des concerts CCC, c'est en général ouverture des portes à 17h. Et avant les concerts, il y a justement projection, discussion, présentation de ce pourquoi les bénéfices, ce à quoi les bénéfices sont destinés. Donc voilà, du coup, là, on a plein de dates. Et donc, justement, je pense qu'on se reverra la prochaine fois. Enfin, on se reverra. On sera à nouveau ensemble à l'antenne. Mais entre-temps, il y aura eu tous ces événements qui se seront passés. Et donc, on pourra plus vous en reparler, ou on pourra plutôt vous parler des prochains événements qu'on organisera. Et justement, il y aura sûrement au mois d'octobre, c'est dans longtemps, mais il y a des tournées justement du CNI, du Freiburg qui peut-être se projettent. Donc on aura l'occasion justement de pouvoir prolonger ces discussions au fur et à mesure des mois qui passent en même temps très vite. Donc on fait une petite pause musicale, et puis vous êtes toujours sur FPP 106.3, la jungle des luttes. Ha! Yeah! La mula no era arisca. ella no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué norma. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Violencia está normal bajo sus normas. No queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. A quien se acata, quien sale de las reglas. Y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan. Pero el sexismo hace tiempo no me educa. ¡Ups, qué pena! Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo la hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Y contra toda expectativa, hoy vamos caminando juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes, donde nuestra voz importe. Esas historias no contadas, que hoy vamos a gritar. La jungle des luttes, on est là. Et donc, n'oubliez pas, donc, de, si vous voulez assister donc, à nos événements, mais ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer parce que vous n'êtes pas sur Paris et que vous écoutez peut-être quand même FPP et que vous ne pourrez pas assister à notre week-end pour en apprendre plein sur les apatistes et le Mexique, vous avez la possibilité de consulter notre site qui, en ce moment, est pas mal à jour et il y a beaucoup de choses. Donc, c'est cspcl.ouvaton.org. Donc, comme je vous le disais en début d'émission, on met nos émissions, mais il y a aussi donc tous les textes liés aux communiqués zapatistes ou aux informations liées aux luttes et aux résistances des communautés du CNI ou aux... en général, c'est à peu près ce qu'on a, mais en français. Donc, justement, sachant que sur NAC Zapatista, si vous êtes hispanophone, vous pouvez trouver beaucoup plus de textes parce que tout n'est pas toujours traduit, évidemment. Mais donc sur ce site, il y a aussi la possibilité pour écouter, il y a un podcast là qui a été mis dernièrement, qui a été fait par un copain, Lupa, qui du coup reprend un peu l'histoire des zapatistes, qui permet un peu de on connaît parfois que partiellement, on a une idée, mais donc du coup là sur ce podcast, ça peut permettre de revenir sur cette histoire. On le fait de temps en temps ici à l'émission, mais on ne peut pas le refaire à chaque fois non plus, histoire de ne pas ennuyer ceux qui connaissent déjà pas mal. Donc n'hésitez pas non plus à nous rejoindre, parce qu'en fait on a pas mal de copains qui sont partis en province, figurez-vous. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu rural. Dans le fond, c'est la possibilité de faire des projets, donc de finalement ce nouveau monde qui se dessine petit à petit dans tout plein de petits recoins et plein d'expériences d'autonomie